Souvent, on considère que la tradition, c'est quelque chose de statique, qui est là pour l'éternité, mais c'est tout le contraire, c'est quelque chose qui se transmet. Et quand elle se transmet, elle change, elle s'adapte, mais il faut néanmoins conserver ce qui représente le noyau dur pour les producteurs concernés. Donc c'est toute la question. Quels sont les points qu'on accepte de faire évoluer? Quels sont les points qu'on considère comme inamovibles? Et ça aussi, c'est très intéressant parce que ça renvoie aussi à la représentation que se font les producteurs de leurs produits. Je prends l'exemple du beurre. Alors, bien sûr qu'on ne le baratte plus à la main, mais on a adapté les techniques et on baratte une partie du beurre en Bresse, en tout cas, où il y a une grosse notoriété au niveau de la qualité du beurre. Ils ont adapté le matériel pour avoir des barattes en inox qui sont automatisées. Donc c'est envisageable, alors que ça ne l'était plus, de faire du beurre en baratte à la main, parce que c'est une chose qu'on ne peut plus faire maintenant. Mais les beurriers continuent d'écouter la façon dont le beurre se fait et repèrent au bruit quand est-ce qu'il sera bon, quand est-ce qu'on arrête la baratte, etc.